Et test. Importe. Oups. Pourquoi ça ne fait pas au début? Ah oui. Just a minute. Stop. Play. Compliqué le pianiste. Hein.